Thank you. Jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, à trop veiller, prier les ombres, et tant marcher, j'ai beau me dire qu'il faut du temps. Pour l'écrire, en plus j'ai la gorge enrouée. Quoi que je fasse, où que je sois, avec la gorge enrouée, rien ne t'efface. Je passe la spie, passe les jours, vie de sillon. Avec l'autotune, déconne là, on va essayer avec l'autotune, hein. Ok, je vais autotuner la voix. Ça va être marrant avec l'autotune. Ok, donc c'est un autotune en A mineur, tu sais, dans les gammes mineures. Harmonique, manoïsque, minor, patente. Ok, écoute maintenant. Un temps de réponse qui soit le plus minime. Là, j'ai auto-tuné. Ok, je baisse le délai. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire, si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi, passe les jours. De sillon dans la raison et sans l'amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence obstinément. J'ai beau me dire qu'il faut du temps. Quoi que je fasse, quoi que je fasse.